J'ai dû partir, je suis désolé. La famille, la vie, c'est comme ça. Je voulais pas rater le train. Si je réussis, ils seront dégoûtés. Mais tu sais, c'est Dieu qui donne ça. À chacun son destin. Alors l'ancien, ouais, ce que tu dis de moi c'est pas bien. Dès que tu fais un peu de papier à la cité, ça plaît pas. Ah, l'ancien, ça m'accueille bizarre quand je viens. Dès que tu fais un peu de papier à la cité, ça plaît pas. À la cité d'or, non, non, je me suis barré pour l'oseille. Ouais, ouais, toujours là, j'ai pas disparu. Non, non, à la cité je reviendrai. C'est pas en arriver là. J'ai juste trouvé l'issue. Je les ai retrouvés contre moi. Ah, ah, I never give a fuck, man. Dans la fusée, je vais dans l'espace. J'ai dépassé la moonlight. I never give a fuck, man. Dans la fusée, je vais dans l'espace. J'ai dépassé la moonlight. Alors l'ancien, ouais, ce que tu dis de moi, c'est pas bien. Dès que tu fais un peu de papier à la cité, ça plaît pas. Ah, l'ancien, ça m'accueille bizarre quand je viens. Dès que tu fais un peu de papier à la cité, ça plaît pas. À la cité d'or, non, non, je me suis barré pour l'oseille. Ouais, ouais, toujours là, j'ai pas disparu. Non, non, à la cité, je reviendrai. J'ai dépassé la moonlight. Mm-hmm. I never give a fuck, man. Dans la fusée, je vais dans l'espace. J'ai dépassé la moonlight. À la cité d'or. Toujours là, j'ai pas disparu.